comme Ginger, j'égale tout le monde. Sauf que moi je tape pas la zip. Des couleurs dans l'enveloppe marron. Pour tous bléguer, je me sentais vide. Ma langue pendue derrière les vitres. Ça m'a donné la rage de vaincre. En silence, je gardais la posture. J'attendais la frame pour les éteindre. Les corbeaux ne sont pas bavards. Avec eux, on bouffait les asticots. Ils me voyaient crever sur le boulevard. Ça me traitait tous les noms d'oiseaux. À l'âge où toi t'étais naïf, j'étais déjà vindicatif. Je faisais disparaître l'épreuve, mélangé dans le chiotte avec ma pisse. Propane, c'est les clous, Novichok, le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. A chaque fois, ils chialent quand je rentre sur la base. A chaque fois, je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles, c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles, c'est même pas l'année de mon père à l'usine. 30 balles, c'est même pas ce que je vais donner aux petits. 30 balles, c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle en 20 ans dans cette chaîne de vie. Je prends beaucoup de plaisir à les voir maigrir. J'ai prié leur chute, je les eu merci. SFN les renvoie vers leur tas de débris. Tu pourras découvrir de là où on vient. Propane, c'est les clous, Novichok, le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. A chaque fois, ils chialent quand je rentre sur la base. A chaque fois, je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles, c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. 30 balles, c'est ce que j'ai fait en touchant de la piole. Rajoute donc à ça quelques cachets d'escrocs. Il restait rien de nous sans la conce et l'agneau. T'aurais pu baiser sœur quand elle était d'esco. Avec l'US, bientôt on construit des écoles. On vous apprendra comment on survit du gouffre. Papa et maman vous fera des cours de chasse pendant que Néo fera tout pour vous servir la bouffe. Merci à ce gros port pour les aéro-sets. Bâtard bavé partout qu'on avait signé. Le vorace, finalement, j'aurais dû m'y fier. Sous contrat, les deux âmes en option, y'en a 7. Scrollard est gourmand, donc il m'a pas saisi. Il a plus d'artiste, il a même pas d'amis. Juste avant, son fils me demande un selfie. Gros, j'imagine pas la gueule du repas de famille. Bâtard, on a pris le jeu truqué par les deux jambes. La vie, c'est que du scam, c'était pas des légendes. T'es une pédale et t'es même pas une vraie. Quand tu suces des queues, c'est pour épater les gens. Bâtard, toi maintenant, tu bandes sur la vie d'artiste. Tu sais, j'ai tout fait pour zapper la vie d'avant. À 15 ans, je tapais dans la planche de mon père. À 16, ma mère jetait mon crap dans les chiottes. À cette époque, y'avait le choix contre la mort et les temps. Vas-y, petit, saute dedans. Tu viens de choper sans qu'on demande, en plus, tu mets les dents. Si seulement tu savais d'où on venait vraiment. Pour trouver ces diamants, j'ai creusé tout au fond ma crasse. On continuera de s'afficher devant la plèbe antipathique juste pour les trois du fond de la classe. Propane, c'est les clous, Novichok, le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. A chaque fois, ils chialent quand je rentre sur la base. A chaque fois, je chiale quand je parle de mes. Rends-toi compte, ça voulait me signer pour 30 balles. 30 balles, c'est ce que j'ai fait les 6 mois qui suivent. Hey boy, salut garçon. Comment ça va, moi j'ai niqué ma vie par passion. Hey girl, salut jeune fille. Comment ça va, je vais niquer ma vie sur un plot twist. Hey boy, va pas par là. On a déjà testé tous les chemins, mais nos parloirs. Hey girl, ne te retourne pas. Derrière les monstres sont si méchants, laisse-les dans le placard.